Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le plaisir de revoir Pierre Richard. Alice, jeune stagiaire dans un magazine People, se prend d'affection pour son voisin de palier, Victor, charmant vieillard, érudit, abandonné de tous et sur le point d'être expulsé de son logement. Elle va bientôt trouver une solution à son problème, organiser un concours au sein de son journal, dont le gain sera l'adoption de Victor. Monsieur Corbin, maître Pécré, huissier de justice. Il faut que je vous parle. J'ai rencontré dans mon immeuble un vieux monsieur qui va être expulsé. Mm-hmm. Il a 85 ans et il n'a pas de famille. Et vous voulez faire un article sur lui? Eh ben en fait, je me suis permise de faire passer sa demande d'adoption dans le courrier des lecteurs. Une adoption? L'adoption par des stars, c'est très à la mode. Et j'ai eu un nombre de réponses, mais vous n'imaginez même pas. Organiser un concours, les gens adorent ça. Mais qu'est-ce qu'il y aurait à gagner? Moi. Plus chic. 150 000 euros à gagner. 150 000 pas... Oui. Mais on ne va pas adopter qui que ce soit et surtout pas pour de l'argent, c'est compris? Nous aussi, avec Pierre, on avait pensé à adopter. Il faut faire une chambre, une salle de bain, des toilettes. Il faut juste des couches, Sylvain. Ah bah des couches, oui. Bon, c'est gay. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Victor Corbin, monsieur et madame Sayah. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que tout se passera très bien. Trouver une famille à mon âge est inespéré. Papy est arrivé. Mais je ne supporte plus de la voir sous mon toit. Pierre Richard, Clémentine Célarier, Antoine Duléry, Victor, une comédie de Thomas Gilou, un DVD TF1 Vidéo.